centenaire de la Révolution russe. Aujourd'hui, dans la Fabrique de l'Histoire, nous parlons d'un film qui sera bientôt publié sur Arte, d'un livre et d'un colloque surtout qui aura lieu, et d'un grand livre, celui de Youri Sletskine. Dans la fabrique de ce jeudi, après un nouvel épisode de la fabrique de l'histoire scolaire consacrée à la documentation photographique, nous nous arrêterons donc sur quelques-unes des actualités trop nombreuses du centenaire de la Révolution russe. Le colloque « Peut-on écrire une histoire française du patrimoine soviétique ?» qui s'est tenu en octobre, donc avec Julie Decheper qui l'a coordonné. La programmation spéciale d'Arte, donc avec Emmanuel Lamont, réalisateur du film « L'utopie des images de la Révolution russe » qui sera diffusé sur la chaîne mercredi prochain, le 8 novembre. Et enfin, pour finir, il ne faut pas louper le grand entretien qu'a accordé à Anaïs Quien pour la Fabrique de l'Histoire Youri Sletskine, auteur du livre Phénomène, La Maison Éternelle à la Découverte. Mais tout de suite, je vous l'ai promis, comme tous les jeudis, la Fabrique de l'Histoire scolaire préparée par Séverine Yattard et Séverine Cassard. Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 768-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie. Les dates de cet empire, oh, tout est prévu. Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez? Les dates de cet empire, oh, tout est prévu. Est-ce que vous me voyez? La fabrique de l'histoire scolaire. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre. Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui. La documentation photographique est une revue d'histoire et de géographie éditée par la DILA, Direction de l'information légale et administrative. Nathalie Petitjean, la rédactrice en chef, et Françoise Gélibert, la maquettiste, nous parlent de cette collection destinée aux enseignants du secondaire et aux étudiants. La ligne éditoriale de la revue, on pourrait la résumer en deux points. Le premier point, ce serait de faire le lien entre la recherche et l'enseignement secondaire. On part de l'idée que les profs n'ont évidemment pas le temps de tout lire de ce qui sort de la recherche et des derniers travaux en matière historiographique. Et donc, on est là pour les aider à faire le point, à se refaire une culture au fur et à mesure des avancées de la recherche. Le deuxième point, c'est l'aspect document. Et pour nous, c'est assez fondamental, et peut-être plus encore aujourd'hui, que les enseignants soient aidés dans leur travail d'enseignement, de l'analyse de l'image, de compréhension des images, des textes, des tableaux, etc. Et dans cette partie-là, eh bien, Françoise, notre infographiste, maquettiste, cartographe, a un rôle essentiel à jouer. Alors, la documentation photographique, à l'origine, c'était des fiches imprimées en héliogravure, donc une très belle impression, etc., et que les profs déployaient, tendaient dans leurs cours et présentaient aux élèves. On se rend bien compte que c'est pas tout à fait une pratique qu'on peut continuer à avoir aujourd'hui. Donc, effectivement, ces documents, ils ont évolué au cours du temps. On est passé par les diapositives, les transparents de rétroprojection, etc. Ça doit dire des choses aux enseignants, tout ça. Et puis, aujourd'hui, on fournit des fichiers en ligne, en fait, maintenant, à nos abonnés. Mais aussi, ce qu'on a voulu mettre en place dans notre offre numérique, on a voulu des entretiens vidéo avec nos auteurs. Parce que nous, on considère que ce sont nos auteurs qui sont notre richesse vraiment fondamentale, pour que vraiment la parole des historiens soit directement en lien avec les jeunes élèves qui apprennent cette matière. Oui, parce qu'effectivement, ce sont des universitaires qui font ces brochures, qui doivent d'une certaine manière aussi vulgariser leurs pensées. Alors absolument, c'est le grand défi qu'on leur lance à tous ces historiens, et on a travaillé avec des gens, des grands noms de l'histoire, que ce soit Patrick Boucheron, Johan Chapoutot, Romain Bertrand, Raphaël Branche sur la guerre d'Algérie, enfin voilà, c'est un bonheur de travailler avec tous ces universitaires, mais je dois dire qu'on leur pose quand même parfois des problèmes, parce qu'on est extrêmement exigeant, un peu pénible sur la manière de transmettre justement les fruits de leurs recherches, et que c'est un gros boulot, ils nous le disent toujours à la fin d'une doc photo, pour eux, à la fois dans le point sûr de synthétiser en 60 000 signes l'état d'une recherche sur un sujet donné, comme le nazisme pour Johan Chapoutot par exemple, et puis de se contraindre à commenter un ensemble documentaire pour en tirer la substantifique moelle et permettre aux enseignants de travailler au mieux sur ces documents avec leurs élèves. Alors François Gélibert, vous très important pour cette revue, la documentation photographique, tout ce qui est iconographie. Et vous, voilà, vous êtes responsable, en fait, hein, de ce domaine. Alors, je ne suis pas vraiment responsable de l'iconographie, en tout cas. Ce sont les rédacteurs, Nathalie, entre autres, qui recherchent les documents. Moi, je suis plutôt responsable, on va dire, de l'infographie, c'est-à-dire les cartes, la mise en place des tableaux, des graphiques, et puis, bon, bien entendu, de la joliesse, si on peut dire. C'est peut-être pas un bon terme, mais on essaie quand même que ce soit quelque chose de beau, de bien réussi, en tout cas à feuilleter. Donc vous travaillez ensemble ? Voilà, c'est tout à fait ça. Nous travaillons vraiment de manière, imbriqué, parce que le fond et la forme, c'est hyper important et on ne peut pas travailler chacun dans son coin. Moi, je peux pas faire mes cartes ou mes graphiques de mon côté et ne pas travailler avec les rédacteurs ou même avec certains auteurs. Alors, est-ce qu'on pourrait en feuilleter une ? Oui, alors effectivement, quand on ouvre la revue, on tombe d'abord sur le sommaire avec un édito qui essaye de montrer un petit peu quel est l'intérêt d'avoir traité ce sujet-là à ce moment-là. Ensuite, vous avez donc la première partie de la revue qui s'intitule « Le point sûr » et qui donc, en 60 000 signes, une quinzaine de pages, essaye de faire la synthèse sur le sujet traité. Et puis la deuxième partie de la revue, elle s'intitule « Thèmes et documents ». Elle est constituée de 23 doubles pages documentaires qui sont construites toutes de la même manière, c'est-à-dire que sur la page de droite, vous avez un ensemble de documents que réalise Françoise, et sur la page de gauche, vous avez le commentaire, donc écrit par l'universitaire, à partir de cet ensemble documentaire que nous construisons ensemble. Et donc, les enseignants, s'ils le souhaitent, peuvent télécharger, s'approprier les documents de la page de droite et travailler à partir de ce commentaire de la page de gauche avec leurs élèves. C'est vraiment l'objectif de cette partie-là, qui, en 23 thématiques, essaye de couvrir le sujet à partir de documents. Et donc, il y a un aspect conclusif. Bien sûr, il y a une bibliographie. Il y a une grande page qu'on appelle « Sources et ressources » qui propose à la fois des ouvrages, bien sûr, mais également des sites internet qui peuvent être des sites de ressources pour eux, des films, des romans, enfin, des sources de nature différente pour nourrir à nouveau leur enseignement, leurs cours, etc. Et ça, Nathalie Petitjean, vous faites des enquêtes auprès des enseignants ou les enseignants vous écrivent, je ne sais pas, pour justement commenter certains numéros de la documentation photographique, dire des choses positives ou peut-être moins positives aussi. Tout à fait. Bon, on fait effectivement des enquêtes de lectorat une périodicité régulière. Mais je dirais que maintenant, il y a deux endroits privilégiés pour avoir un petit peu les retours de nos lecteurs. Ce sont les festivals, Blois et Saint-Dié, évidemment, pour l'histoire et la géographie. Et puis, maintenant, on a une nouvelle source de retour sur nos dossiers, ce sont les réseaux sociaux. Alors, à la fois pour diffuser de l'information sur la revue, mais aussi pour rentrer en dialogue avec nos lecteurs, qui sont souvent effectivement de jeunes lecteurs, parfois des étudiants, mais qui ont parfois la dent dure ou qui nous critiquent un peu, mais c'est souvent assez intéressant de voir leur réaction à ce qu'on peut produire. Voilà pour ce dernier épisode de la Fabrique de l'Histoire scolaire préparé par Séverine Yattar et Séverine Cassard. Et vous pouvez noter que le dernier numéro qui vient tout juste de sortir de la documentation photographique dont on vient de parler est consacré à la laïcité en France et dans le monde et il est signé Valentine Zuber. Emmanuel Hamon, bonjour. Bonjour. Vous dites en ouverture du film dont on parlera dans un instant, qui va être diffusé le 8, c'est-à-dire mercredi prochain sur Arte, sur l'utopie du cinéma soviétique débutant, vous dites qu'il y a des images qui nous sont restées dans les yeux, il y a aussi des sons, on l'entend d'ailleurs ce son dans votre film. Alors, moi c'est beaucoup les images parce que c'est quand même toute une partie du cinéma qui est muet d'abord. En fait, l'arrivée, les procès de Moscou, etc. et Staline arrivent avec le parlant. Mais les images, oui, elles sont marquantes pour tout amoureux du cinéma. Quand on a 15-20 ans dans les salles du monde entier, en l'occurrence pour moi c'était du quartier latin, j'ai découvert Barnett, évidemment Eisenstein, Boris Barnett, Boris Barnett, qui est un des réalisateurs phares de cette période, et la femme au carton au chapeau, par exemple, la jeune femme au carton au chapeau qui est dans le film, est un film éblouissant, par exemple. Donc oui, c'est encore très impressionnant de revoir ces images aujourd'hui, et ça a une force incroyable, quoi, sur... de référence. Et donc ces images sont mouvantes, on en parlera dans un instant avec vous. Il y a des images fixes, celles qui sont par exemple distribuées dans le livre de Yegor Gran avec François-Xavier Nérard, qui est un grand historien de l'Union soviétique, qui s'intitule « Rêve plus vite, camarade, l'industrie du slogan en URSS de 1918 à 1935 ». Et aussi des images fixes, mais qui ont disparu et qui sont récemment réapparues. Bonjour Julie de Schepper. Bonjour. Ce sont les images des statues soviétiques de la grande exposition de 1937 à Paris, qui a donné lieu à un colloque, pas simplement cette histoire-là, mais l'histoire de la présence en France des images soviétiques et des statues soviétiques, du patrimoine soviétique, qui s'est tenu le 12 octobre dernier à l'INALCO. Vous êtes enseignante et chercheur à l'INALCO, doctorante à l'INALCO vous-même, Julie de Schepper. Pourquoi faire un colloque autour de ces questions, justement, de la patrimonialisation du patrimoine soviétique en France, parce que c'est pas la première idée que l'on peut avoir qu'il y a du patrimoine soviétique et qu'il faut d'une certaine façon le patrimonialiser. Oui, tout à fait. Donc ce colloque qui était intitulé « Peut-on écrire une histoire française du patrimoine soviétique ?» s'est tenu en octobre dernier, les 12, 13, 14 octobre, et pas seulement à l'INALCO, mais aussi à la Maison des Métallos et le troisième jour au Musée archéologique du Val d'Oise et à la mairie de Bayeux en France. Et l'idée de ce colloque était véritablement de penser la Révolution, non pas uniquement comme événement historique, mais aussi d'en penser les traces et les présences que cet événement a pu laisser, donc de l'envisager plutôt dans les productions matérielles et immatérielles que c'est qu'elle a engendré durant tout le XXe siècle. Et la question que nous avons proposée était un peu provocatrice aussi, de penser un patrimoine soviétique, pas seulement dans les frontières habituelles de l'URSS, mais en France. Oui, elles sont nombreuses, ces traces, dans le patrimoine français ou dans le paysage français, Julie de Schepper? Alors, durant le colloque, nous avons eu un certain nombre d'intervenants, justement, venus pas seulement de France, mais aussi de République tchèque, d'Italie, du Canada, d'Ukraine, de Russie. Et c'était assez intéressant de voir justement ce que ces différents chercheurs, parce que venus de différentes disciplines, hein, c'était un colloque vraiment international, pluridisciplinaire, comment ces différents chercheurs donc avaient leur propre vision de ce qu'était le patrimoine. Donc il était soit matériel, des statues, de l'architecture, des objets, mais aussi tout à fait immatériel, c'est-à-dire plutôt des idées, des symboles, des valeurs qui ont pu rester, qui seraient considérées comme patrimoine en France. Donc on a pu voir effectivement leur pluralité et puis leur multiplicité, oui, effectivement. Oui, il y avait par exemple effectivement une communication dans ce colloque donc de trois jours qui s'est tenu mi-octobre, une communication d'une de ces personnes qui parlait du bon docteur Lamaze, par exemple. On avait consacré il y a très longtemps, Perrine Kervan dans la Fabrique de l'Histoire, un documentaire à ce bon docteur Lamaze, l'inventeur de l'accouchement sans douleur. Oui, tout à fait. Donc là, vous avez l'exemple d'une communication de Amaya Garcia qui est venue d'Espagne, donc pour nous parler d'une pratique médicale qui, a priori, lorsqu'on évoque un patrimoine soviétique, on n'y penserait pas instinctivement. Et donc l'idée de ce colloque, c'était véritablement de réunir des chercheurs sur ce même sujet, parce que oui, nous avons eu des communications sur un peu ce patrimoine immatériel, ses valeurs, mais aussi sur l'ambassade soviétique, ou encore sur les archives du Parti communiste, ou encore sur, par exemple, Ivry, capitale du communisme, Ivry, ville rouge en France. Donc vous voyez la diversité des communications que nous avons eues. Alors, travailler sur cette question du patrimoine soviétique en France, c'est travailler sur ce qu'on appelle en histoire généralement les transferts culturels, c'est-à-dire comment certains modèles passent les frontières dans un sens et dans l'autre, d'une certaine façon. J'imagine qu'il y a eu des échanges pendant toutes les années du communisme soviétique entre les municipalités dites rouges de la banlieue, dites rouges de Paris, par exemple, et de l'autre côté, des municipalités ou des États de l'Union soviétique, Julie de Schepper. Oui, l'idée aussi était effectivement, comme vous le dites bien, était de parler de ces circulations culturelles qu'on a pu avoir, ces transferts, mais aussi toute cette ces influences mutuelles qu'il y a pu avoir entre la France et l'URSS. Et justement, l'une des grandes questions qui nous a suivies dans le colloque était de travailler cette nuance entre un patrimoine soviétique et un patrimoine communiste, ou bien de travailler justement sur l'idée de la définition de ce qu'est un patrimoine soviétique en France. Et on a un petit peu questionné cette expression en se demandant si en fait il fallait pas plutôt parler d'une présence du soviétique en France, ou alors de traces soviétiques, ou au contraire si ça faisait pas simplement partie du patrimoine national, parce que les sculptures que vous évoquiez, par exemple du pavillon de l'exposition universelle de 1937, ont été retrouvées sur le sol français lors d'une fouille archéologique en 2004 dans une glacière, donc dans un ancien site de la CGT à Baillé. Exactement. Justement. Et c'est donc, et d'ailleurs nous retraçons toute cette histoire dans une exposition qui a lieu à l'INALCO jusqu'au 5 novembre, exposition dont je suis commissaire avec François Gentil, qui est lui-même le découvreur, l'archéologue de ces statues soviétiques. Alors des statues dont il faut dire qu'elles ont été donc sur le pavillon soviétique de 1937 et qu'elles ont été ensuite retrouvées cassées en plusieurs morceaux, voire en 1000 morceaux, dans cette glacière donc de ce patrimoine CGT à Baillé-sur-Seine. Il a fallu les reconstituer, ces statues. Oui, voilà, elles ont été découvertes de façon tout à fait inattendue et opportune en 2004 à Baillé en France, en région parisienne. Et c'est en fait grâce à l'archéologie contemporaine qu'on a pu retracer toute l'histoire de ce pavillon, qui a une destinée tout à fait particulière et qui croise parfaitement l'histoire française et l'histoire soviétique, donc puis russe, puisque donc nous avons retrouvé en France ces objets. Ils avaient effectivement été offerts à la CGT juste après l'exposition universelle, puis cassé durant l'occupation, retrouvé après la libération, et aujourd'hui ils ont intégré les collections patrimoniales françaises. Donc c'est véritablement un patrimoine français. Et du côté russe, c'est propylé, et puis en fait le pavillon de 1937 dans son intégralité a été reconstruit au nord de Moscou. Donc là on a eu véritablement des destins patrimoniaux tout à fait croisés entre la France et la Russie, ce qui nous a permis c'est cette découverte qui a lancé un petit peu l'idée du colloque, l'idée de travailler sur cette question du patrimoine soviétique en France. Et c'est à partir de cet exemple, comme vous le disiez, que nous avons tiré d'autres fils. Alors, ce qui est vrai, c'est que quand on travaille sur ces questions d'influence, d'échange culturel, par exemple, on est toujours dans une sorte d'ambiguïté, parce qu'on ne sait jamais très bien d'où viennent les idées qui ont conduit tel ou tel à construire tel ou tel bâtiment. Il y avait un exemple, par exemple, qui me paraît intéressant, ce sont les gratte-ciels de Villeurbanne, par exemple, qui ont été analysés dans votre colloque par Clarisse Loras, qui est professeure d'histoire-géographie. Ces gratte-ciels de Villeurbanne, oui, on peut se dire, tout compte fait, ils ont une facture, quand on les connaît, qui peut ressembler à certains des gratte-ciels de Moscou. Mais en même temps, la référence ultime du gratte-ciel, c'est New York. Donc, on le construit dans une municipalité rouge de la banlieue lyonnaise, à Villeurbanne. Mais en même temps, avec un regard de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui est assez ambigu d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Donc là, vous parlez donc d'une communication qui avait lieu dans un panel qui était consacré à différentes productions monumentales et architecturales qu'on avait appelées un petit peu aussi de façon provocatrice soviétique sur le sol français. Et en fait, vous touchez ici précisément ce qu'on a voulu analyser dans le colloque, c'est-à-dire toute l'ambiguïté et la complexité des influences, même d'une forme d'appréhension française de ce que serait le soviétique, avec aussi des questions donc de politique menées par les municipalités en question. Et donc nous avons aussi touché cette question de l'ambiguïté, pas seulement à travers des productions matérielles monumentales, mais aussi sur la question des archives, par exemple, qui a été dans le colloque tout à fait bien traitée par les différents intervenants que nous avions. Les archives des Torres, par exemple, voilà. Des Torres Vermersch. Exactement. Donc cette idée, par exemple, du fond Torres dans les archives d'Ivry municipales d'Ivry-sur-Seine, elles sont tout à fait emblématiques de cette idée d'un patrimoine qui est et en même temps français, parce qu'elles appartenaient à Maurice Thorez, mais aussi elles portent en elles une part de soviétique, puisqu'on a des objets qui ont été récupérés en URSS. Alors, une des questions aussi, c'est qui était posée par Juliette Milbach, donc docteur en histoire de l'art, c'était la question de la présence de la peinture soviétique dans les musées français. Alors, on sait combien Jean-Marie Le Pen aime bien être représenté par des peintres de l'Académie des Arts russes qui ont été formés à cette école soviétique, donc soi-même en uniforme de lieutenant, mais qui d'autres avaient des goûts qui permettaient au bout du compte de donner à des musées français de l'art soviétique? Alors, dans la communication de Juliette Milbach que vous évoquez, je vous rassure, on n'a pas forcément parlé de Jean-Marie Le Pen. Mais en l'occurrence, on aurait pu. Mais c'est vrai qu'il est le seul à avoir... j'ai vu chez lui, effectivement, ce portrait de lui-même, donc dressé par un peintre soviétique. Alors, on évoquait plutôt... Juliette Milbach évoquait dans cette communication qui faisait elle-même, je le rappelle, partie d'un panel consacré aux différentes productions artistiques soviétique sur le sol français, que ce soit des sculptures, des œuvres d'art, mais aussi la présence d'artistes soviétiques, justement dissidents, qui sont venus s'installer notamment à Paris. Et donc l'idée, c'était d'évoquer la diversité de ces productions et surtout la politique d'acquisition des musées, notamment du centre Pompidou, qui s'est largement focalisée, par exemple, plutôt sur les peintures d'avant-garde que sur les peintures c'est qu'on curieux. Appelle du réalisme socialiste, par exemple. Et donc, vous aviez aussi une communication, ça va faire le joint avec notre autre invité, Emmanuel Hamon, donc de Natacha Laurent, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Toulouse, qui a longtemps dirigé la Cinémathèque de Toulouse. Et cette communication s'intitulait « Moscou sur Garonne, le patrimoine cinématographique soviétique en France, une histoire de cinémathèque », effectivement, parce que celle de Toulouse est une de celles qui possède le plus de films soviétiques. C'est ça, Julie Le Gepper ? Oui, oui, tout à fait. Donc, l'idée d'évoquer toute la production artistique, et notamment le cinéma, qui a autant une forte influence en France, mais aussi qui a eu différentes résonances ensuite. Et donc, ça va faire effectivement le lien avec le documentaire dont nous allons parler. Un extrait du documentaire d'Emmanuel Hamon qui sera donc diffusé sur Arte le mercredi 8 novembre. La Russie a bouleversé le début du XXe siècle avec deux révolutions. L'une était politique. La seconde était cinématographique. Grâce à elle, nous avons réinventé le cinéma. Nous avons créé des images de fiction, libres de toute contrainte. En février 1917, le tsar est arrêté. Dans la confusion de ces premiers jours, personne n'a pensé à filmer quoi que ce soit. Maintenant, il est temps de sortir dans les rues. Nous vivons des jours d'espoir. La censure est enterrée. Le cinéma va pouvoir exprimer son génie propre. Nous accueillons la révolution avec joie. Alors Emmanuel Hamon, vous faites partie de la programmation spéciale d'Arte sur la révolution russe qui a 100 ans et le film que vous avez donc produit et réalisé pour Arte qui s'intitule L'utopie des images de la révolution russe a pour conseillère historique justement Natacha Laurent dont on vient de parler. Ces images de la révolution russe que vous faites ressurgir dans votre film documentaire Emmanuel Hamon sont absolument extraordinaires. Vous êtes concentré sur les 10-15 premières années de la révolution donc et en particulier sur ce moment assez magique d'ouverture où les artistes qui sont les artistes de la scène, qui sont les artistes de la poésie d'avant la Révolution, Maïakovski et ses compagnons donc vont participer à la construction de ces images. C'est ça, avec le conseil de Natacha Laurent donc, et puis en écrivant ce film avec Thomas Chesson, on s'est vraiment concentré sur ce moment-là, c'est-à-dire effectivement un moment magique où on est à la fin de... Le cinéma évidemment existe depuis le début du siècle, depuis même la fin du siècle d'avant, et y compris en Russie, il y a déjà eu des films qui sont très dans la tradition l'occupation russe, tsariste. Tolstoï a même eu quelques images de lui dans un film. Et puis là, émerge avec la Révolution une génération... on pourrait dire béni des dieux, c'est-à-dire en symbiose avec la Révolution, avec ce mouvement incroyable politique, il y a une révolution des images et du cinéma en Union soviétique pendant une dizaine d'années avec une totale liberté affranchie du pouvoir. Alors vous avez choisi une narration à la première personne, une actrice qui va voir naître ce nouveau cinéma soviétique et qui va finir par y participer. Dans un film assez étonnant où elle incarne une héroïne qui est plus forte que tous les héros de l'Union soviétique à l'époque. Donc, et vous le faites parler à la première personne pour expliquer comment on entre dans cette révolution au bout du compte, Emmanuel Hamon. Ouais, en fait, malgré une considération assez forte pour la place de la femme dans la société à ce moment-là et dans beaucoup de films, on avait un problème pour trouver un personnage féminin qui avait, enfin, il y en a quelques-unes qui ont réalisé des films, mais enfin, ça n'était pas un de nos personnages principaux. Donc moi, je voulais vraiment que la voix la première personne, la voix qui raconte, qui soit un peu la narratrice de cette histoire incroyable, soit la voix d'une femme. Et effectivement, elle est une actrice qui fait ses premières classes dans des ateliers de cinéma, d'élèves, de la fabrique d'État menée par Lev Kouletchov, qui est un des personnages importants, et qui devient elle-même l'actrice donc d'un film, effectivement, où elle est la meilleure des soldats de l'armée rouge. Donc c'est une voix de femme, et c'est Virginie Efira qui donne sa voix dans la version française à ce personnage. Alors, vous montrez comment il est difficile de faire du cinéma au début de la révolution soviétique, parce que les réalisateurs d'avant la guerre sont partis avec beaucoup de pellicules. Il n'y a quasiment pas de pellicules, mais un personnage comme Lev Kouletchov va inventer d'une certaine façon une nouvelle manière de raconter, et en particulier de monter les films à partir d'images fixes. Et vous racontez cette révolution, pourrait-on dire, des images qui va voir naître une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine de chefs-d'œuvre en très peu d'années. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a effectivement un moment où la révolution politique prend le pas sur tout, bien entendu. En même temps, il y a une génération, et la génération de ces cinéastes dont on parle y croit. C'est-à-dire, c'est pour ça que le film s'appelle aussi L'utopie des images, parce que tout le monde sert cette révolution et croit à l'utopie qu'elle véhicule. Et en même temps, donc, il y a un champ des possibles incroyable qui se présente à ces gens, à ces jeunes gens qui ont à peu près une moyenne d'âge de 20-25 ans et qui vont faire des films incroyables pendant une dizaine d'années avec les moyens du bord. Alors effectivement, sans pellicule au début, donc Lev Kouletchov crée à l'intérieur de l'école d'État une espèce d'atelier où tous les acteurs viennent et en même temps ils testent des choses, et en même temps il n'a pas de pellicule au début, donc c'est comme des représentations de théâtre mais avec l'idée de brouillon de films de cinéma. Et puis après ils commencent à faire tous des films les uns avec les autres. Il y a vraiment un côté très collectif, les acteurs jouent dans les films, font les décors, d'autres viennent monter, et effectivement avec cette inventivité incroyable, quoi. Alors, une inventivité qui donne, on l'a dit, quelques chefs-d'œuvre, ceux de Boris Barnett, ceux d'Abraham Rome, donc Trois dans un sous-sol, un film qui est béni par le grand admirateur de ce début de cinéma soviétique qui est Marc Ferro, une liberté de ton assez incroyable où une femme peut vivre avec deux hommes dans un sous-sol et ensuite, lorsqu'elle sait qu'elle est enceinte, les quitter tous les deux pour devenir une femme libre. Il y a évidemment Le cuirassé Potemkin, Octobre, et on découvre que tous ces tenants de ce nouveau cinéma soviétique ne sont pas d'accord. Il y a d'un côté ceux qui pensent à l'image directe telle Dziga Vertov, donc le film documentaire, la question du Kino Pravda, du ciné-vérité. Et puis de l'autre côté, ceux qui, comme Majakovski, sont aux côtés d'Eisenstein, mais quand il fait Octobre, je trouve qu'il représente Lénine de façon trop réaliste et trop près de la vérité, et qu'il faudrait un personnage beaucoup plus fort que celui qu'il a choisi pour pouvoir représenter Lénine dans Octobre. Ouais, finalement, il y a des conversations, des débats qui sont au cœur sans doute de alors. Là, on est au moment de la naissance du, enfin, on n'est plus à la naissance du cinéma, mais on est quand même en train de trouver tous les codes, les choses. Il y a énormément de choses qui s'inventent à ce moment-là sur le montage, par exemple. Et on est entre aussi la frontière de la fiction, du documentaire, de la représentation des héros de la révolution, de comment la représente-t-on, comment éduque-t-on les masses aussi. Mm-hmm. Et toutes ces choses-là sont un débat permanent entre les membres de ces films. Et ce que vous racontez bien avec Thomas Chesson, qui a écrit ce film avec vous, Emmanuel Hamon, c'est qu'il y a souterrainement des forces qui sont à l'œuvre. Dès 1923, il y a des gens bolcheviques qui disent que certaines de ces œuvres sont de l'amerloquisme cinématographique, qui est voué à l'échec. Et c'est cette voix qui est souterraine qui va finir par ressurgir et envahir tout d'une certaine façon, qui va mettre au pas à la fois Lev Kouleshov, Eisenstein qui sera obligé après le prêt de Bégin de faire une critique, une autocritique disant qu'il a fait des erreurs et qui va d'une certaine façon l'emporter sur cette créativité cinématographique des débuts. Emmanuel Hamon. Oui, ce qu'on peut appeler le mouvement de l'avant-garde ou du révolutionnaire du début de ces années de grande liberté va être reprise en main petit à petit par le pouvoir. En fait, le pouvoir va se rendre compte sans doute de la puissance des images et de la force des images et de ce qu'il peut en tirer, de la manière dont il a envie de représenter ces grands moments historiques. C'est le cas, les films d'Eisenstein, par exemple, que ce soit Le Cuirassé Potemkin ou Octobre, sont des films qui sont faits à l'occasion d'anniversaire de la révolte d'Odessa en 1905 ou de la révolution d'Octobre en 1927. Et d'autres films comme ça sont l'occasion de commandes d'État. Et en fait, la reprise en main de l'État au moment en gros, vraiment total, des procès de Moscou, fait que les réalisateurs n'ont plus la main sur leurs films, sur leurs scénarios, sur leur montage. Et on nomme même ce personnage qui a une place importante dans le film, qui s'appelle Boris Choumiatsky. Ça, c'est le méchant. Oui, c'est vraiment le méchant. Il vous fallait un méchant, donc vous l'avez trouvé. C'est un méchant, mais... C'est celui qui vient du fin fond de la Sibérie et qui va brider tout cet appétit de cinéma des jeunes révolutionnaires. Oui, qui finira par être fusillé... Peu d'années après d'ailleurs, mais qui est considéré encore aujourd'hui. On est allé présenter le film en Russie aujourd'hui et on a fait des débats avec des historiens, avec Thomas Chesson, et on s'est fait pas attaquer mais par certains historiens qui je pense ont commencé à grandir au moment de l'époque stalinienne sur le fait que Boris Choumiatsky n'était pas si mauvais que ça et finalement aurait pu être même un grand producteur hollywoodien si on l'avait laissé faire. Donc il y a de toute façon sur cette marge de liberté des artistes finalement qui est au cœur de ces années incroyables et très rares dans l'histoire du cinéma. Hein, finalement, mondialement, il y a peu de moments comme ça où on laisse les créateurs avoir les clés de la fabrique. Il y a vraiment ce débat qui continue à se faire. À quel moment le pouvoir remet la main et redirige les opérations? En l'occurrence là, ça a une fin totalement tragique, évidemment. Comme, oui. Et beaucoup se suicident, comme Maïakovski, ou sont éliminés de ce cinéma soviétique par Staline et tous ceux qui sont autour de lui. Oui, absolument. Et puis surtout, ce qu'on peut dire aussi, au-delà de il y a ces fins dramatiques, mais il y a aussi le fait que le cinéma soviétique après va être beaucoup plus cadenassé et donc c'est finalement comme la peinture soviétique dont parlait Julie de Schipper tout à l'heure. Et tous ces réalisateurs vont faire, pour certains, vont continuer à faire des films mais beaucoup moins intéressants, beaucoup moins libres. Et puis surtout, il y en a qui vont totalement arrêter. Alors votre film L'utopie des images de la Révolution russe, donc documentaire que vous avez réalisé avec les conseils de l'historienne Natacha Laurent et écrit par Thomas Chesson, est diffusé à 22h30. Mercredi 8 novembre sur Arte, dans le cadre d'une programmation très riche, où on peut par exemple revoir, puisque c'était hier sur Arte, octobre 17, Les Artistes de la Révolution, un film inédit documentaire de Catherine Roteux. Merci et à vous également, Julie de Schepper. Donc on aura les actes du colloque d'ici peu, j'espère. Oui, alors nous entendons évidemment publier les actes du colloque avec les co-organisateurs que sont donc Taline Termination, François Gentil et Aymeric Tellier. Et nous espérons aussi avoir relancé des petites pistes pour un nouveau champ de recherche. Et je rappelle aussi que l'exposition consacrée à la naissance d'un patrimoine soviétique en France est ouverte et gratuite jusqu'au 5 novembre à l'INALCO. Et on se retrouve pour le 200e anniversaire de la Révolution soviétique dans une fabrique de l'histoire de 2117. Et je vous avais promis à la fin de cette émission ce grand entretien qui a été accordé à Anaïs Kien par Youri Sleskine, donc l'auteur d'un livre gigantesque qui vient tout juste de paraître donc à la découverte. C'est pour maintenant. Youri Sleskine, bonjour. Bonjour. Dans votre dernier ouvrage, La Maison éternelle, vous faites le récit de l'installation du régime communiste à Moscou des années 20 aux années 40. Mm-hmm. à travers l'histoire d'un immeuble d'habitation et de ceux qui y vivent. C'était une nécessité pour vous de saisir ce moment au niveau du quotidien et d'observer la façon dont s'inscrit cette révolution dans la vie de tous les jours? Yes, it was very important for me because I think. Oui, c'était très important pour moi. En effet, je pense que c'est justement comme cela que les révolutions démarrent et c'est ainsi qu'elles se terminent dans le domicile. Et c'est de ça qu'il s'agit dans ce livre. Il s'agit du domicile, de la révolution, de la vie domestique et la vie quotidienne des révolutionnaires. Et au bout du compte, il s'agit du lieu où la révolution a péri. Alors, les habitants de cet immeuble ne sont pas n'importe quelle personne au sein du régime communiste. Pourquoi le nouveau régime décide de construire un tel immeuble et de concentrer ses élites et ses héros et de les isoler aussi, puisque c'est une véritable forteresse munie de ses gardes? Yes, it is like a fortress. It looks like a fortress. Oui, en effet. Du reste, il s'agit d'une forteresse sur une île, en quelque sorte. C'est à ça que ça ressemble. La volonté était de bâtir des appartements pour les membres du gouvernement soviétique. Il devait s'agir du prototype de la domesticité soviétique. Donc là, il s'agissait d'une œuvre pionnière qui devait donc dicter la vie de tous ceux qui devaient s'en suivre. Ils étaient habitués à vivre en voisins, parce qu'après la Révolution, les chefs du parti sont arrivés au Kremlin et ils se sont installés, et puis également dans certains hôtels moscovites qui avaient été transformés en dortoirs que l'on appelait les maisons des soviétiques. Donc, dans les années 20, ils vivaient les uns à côté des autres, en voisinage. Ils se voyaient, ils discutaient, ils couchaient ensemble, ils avaient des enfants, ils discutaient de la nécessité historique de la révolution, évidemment, ils parlaient du destin de leur propre révolution. Et ce bâtiment, la maison du gouvernement, fut érigé en même temps que l'Union soviétique, lors du premier plan quinquennal entre 28 et 32. À ce moment-là, le gouvernement soviétique a mis en place un nouvel État stalinien et mis en place une économie complètement nationalisée. Et c'est à cette époque qu'ils ont érigé cette maison pour eux-mêmes. On voit à travers cette saga de plusieurs familles, il y avait presque 550 appartements dans cet immeuble, je crois, dans cette maison du gouvernement, Yuri Sleskine, les circulations des personnes et des affects et de l'amour et du sexe, vous en parliez. On voit ces familles changer d'appartement au gré des changements dans la carrière du chef de famille. Et puis on les voit aussi, ces familles se recomposer. Parfois, la première et la seconde femme cohabitent dans le même appartement. Ça a été compliqué de démêler tous ces fils de toutes ces vies humaines pour rendre compréhensible et accessible ce récit et cette histoire de la maison du gouvernement. It was difficult, as you say. Compliqué, it was. Oui. Vous avez des gens qui emménagent, qui s'installent confortablement, et en réalité, au bout d'un moment, ils sont un petit peu trop à leur aise, et ils s'inquiètent de vivre dans une forteresse séparée du reste du pays. Et au bout du compte, ils peuvent se trouver délogés, et on peut évidemment les emmener vers leur mort. La plupart des gens étant exécutés d'une balle dans la nuque avant d'être largués, vidés, balancés dans une tranchée. Mais comme vous le dites, ce livre ne porte pas tant sur leur mort que sur leur vie. Et il s'agit dans ce livre de famille. Et au bout du compte, l'histoire porte sur la victoire de la famille sur la révolution. Cette maison a été bâtie dans un district qui porte le nom de Marécage. Et le but de la révolution était d'assécher ce marécage. Et ce qui est advenu de ce marécage, c'est que c'est lui qui a eu la haute main là-dessus. Et ainsi, les résidents se sont trouvés étouffés. Vous faites une place toute particulière, d'ailleurs, Yoris Leskine, aux enfants de la maison du gouvernement. Comment cet endroit éminemment politique devient-il un véritable terrain de jeu, quasiment exclusivement pour les enfants qui sont en gros les seuls à véritablement en profiter? It was a children's world. C'était un univers d'enfants. À bien des égards, l'ensemble de l'Union soviétique des années 30 était un univers d'enfants. Comme le proclamait le camarade Staline, l'Union soviétique était le pays de l'enfance heureuse. Les enfants soviétiques devaient être heureux. Et ceux qui vivaient dans cette maison du gouvernement étaient en effet heureux. Je vous ai dit que cette maison devait être conçue de manière à ce qu'elle soit un espace collectif. Et en disant cela, je voulais dire qu'il y avait de nombreux espaces conçus pour un usage collectif. Il y avait une cafétéria, il y avait un gymnase, des cours de tennis, des salles pour jouer au volley, des pièces pour jouer aux échecs, un stand de tir, des salles de répétition d'orchestre, des salles de bal pour danser, etc. Mais rien de tout cela n'était utilisé par les adultes, ou alors très peu. La maison du gouvernement appartenait aux enfants du gouvernement. Ce sont les enfants qui ont pris le pouvoir, ils y ont été heureux, et bien entendu, cette maison, ils la considéraient comme le lieu de leur enfance. C'était l'âge de l'innocence et l'âge d'or de l'ensemble de leur vie. Un âge d'or qui finit parfois de manière très cruelle lorsque leurs parents sont arrêtés. Quelque part dans votre ouvrage, vous dites que 800 personnes ont été expulsées de leur appartement, oui, dont 350 ont été exécutées, sans parler de ceux qui ont été emprisonnés de diverses manières. Oui. Yes, that's what happened, about 800. Oui. Ce sont les chiffres exacts. Environ 800 résidents ont été obligés de quitter leur logement et ils ont été accusés de diverses formes de trahison. Il y a eu 344 dont on sait qu'ils ont été exécutés, surtout des hommes. La plupart des épouses, quant à elles, ont fait l'objet d'un exil et elles ont passé environ 8 années dans des camps spéciaux réservés aux membres des familles des traîtres. Les enfants, quant à eux, eh bien, ils étaient adoptés par les autres membres de la famille, ou s'il n'y avait personne pour les adopter, ou si les gens avaient peur de les adopter, les enfants étaient envoyés vers des orphelinats. On pourrait s'étonner, Yoris Leskine, que cette forteresse, cet îlot isolé, renfermant toute la galerie des élites et des héros de l'Union soviétique, ne constitue pas, d'une certaine façon, une protection contre les purges staliniennes, contre la suspicion d'être l'ennemi intérieur. It was true that they were not protected. Il est vrai que ces gens-là n'étaient pas protégés. Il est également vrai que la nature même de forteresse de ce bâtiment a fait le destin de ces gens-là. Ils étaient tous coupables d'une façon ou d'une autre. Et lorsqu'on entendait frapper à la porte, on savait qu'on avait péché. Et l'un des péchés, c'était précisément le fait qu'ils avaient vécu dans une forteresse. Forteresse qui avait été occupée par des gens de la cinquième colonne. En effet, chacun des appartements, pratiquement chaque appartement, Was haven était une sorte de havre pour des gens qui n'étaient pas des communistes. The actual leaseholders, les communist locataires officiels étaient des communistes, mais ce n'est pas eux qui étaient là la plupart du temps. Eux, ils travaillaient ailleurs. Donc les gens qui vivaient là sur place et qui élevaient leurs enfants étaient des gens qui étaient des parents distants, des personnes âgées, puis aussi des serviteurs. Et certains de ces parents âgés étaient prêtres, ou rabbins, commerçants, ou alors il y avait des gens illettrés et des grands-mères particulièrement croyantes. Voilà un petit peu le profil des occupants. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'on lisait très peu Marx et Lénine dans cette maison du gouvernement. Right, and that's one of the... En effet. One of the ironies of what was c'est un petit peu l'ironie de la situation de cette maison. The children and indeed the grown-ups les enfants in the 1930s et les adultes dans les années 30 were not reading ne lisaient the sacred texts, ne lisaient pas les textes sacrés since, remember, these people were not parce qu'il faut se souvenir que ces gens-là se considéraient comme les maîtres de l'Union soviétique et les bâtisseurs d'un nouveau monde pour l'ensemble de l'humanité. Par conséquent, lorsqu'ils lisaient à haute voix pour leurs enfants, ils lisaient de la fiction de leur propre enfance. Et au centre de tout cela, il y avait la grande littérature classique russe. Pushkin, et incluant Tolstoï, notamment Guerre et paix, qui était considéré comme le plus grand ouvrage jamais écrit par l'ensemble des résidents de cette maison. Voilà ce que lisaient les gens, voilà ce dont s'entretenaient les enfants, voilà ce qu'ils écrivaient dans leurs journaux intimes. Toutes les petites filles pensaient être Natacha Rostova de Guerre et paix, et tous les petits garçons étaient le prince André. Et certains aussi aimaient à penser que le Faust de Goethe était leur voisin. C'était un habitant à part entière de cette maison du gouvernement, Yoris Leskin. It's interesting that indeed Faust was one oui, of the residents. Faust était un des résidents. Because he was en effet, mentioned so frequently. Et il était cité tellement souvent. Most of the revolutionaries, most of la plupart the Bolsheviks, des and of course, révolutionnaires, des bolcheviks, Faust, avaient lu Faust. But something that few people mais realize peu de gens se rendent compte que Faust était censé constituer le modèle du nouveau roman réaliste socialiste. Bukharin, le grand idéologue révolutionnaire, a proclamé lors du premier congrès des écrivains russes en 1934 que les écrivains soviétiques devaient garder Faust à l'esprit en tant que modèle à suivre. Et ils ont essayé. L'un des grands romans des années 30 était aussi l'un des plus controversés, La route vers l'océan, de Leonid Leonov, qui vivait dans cette maison du gouvernement, et c'était en fait le Faust soviétique. Et l'une des questions, moi, qui m'a intéressé, c'était celle de savoir si mes personnages, les résidents du bâtiment, valaient la peine d'être sauvés, au même titre que Faust. En effet, de nombreux personnages étaient des exécuteurs. Il y avait un personnage qui, lui, a tué de très nombreuses personnes, et c'était pas seul. Ces gens-là étaient des idéalistes, des rêveurs, et ils étaient également des tueurs. Donc, Faust intervient aussi lorsque l'on aborde la question du salut et de la responsabilité. Il commence par ce grand espoir de sauver le monde. Ils se disent, voilà, le salut viendra du collectivisme pour l'ensemble de l'humanité. Et au bout du compte, on se retrouve à se poser la question de savoir si eux-mêmes méritent le salut. Donc, d'une certaine façon, c'est la même question que la question initiale. Si la puissance de la littérature est un fil rouge de votre recherche, il y en a un autre. C'est votre théorie, Youri Sleskin, selon laquelle la société communiste soviétique ne peut être pensée qu'en tant que secte millénariste attendant l'apocalypse. Pourquoi cette catégorie de pensée peut-elle opérer de manière pertinente pour analyser cette société soviétique de ces années 20, 30 et du début des années 40? As I said, they were hoping to save the world. Je vous ai dit que ces gens-là voulaient sauver le monde. They had faith. Donc ils avaient en they eux discussed la foi. Their faith, described their faith, cette foi, ils en parlaient, ils la décrivaient. Their faith in their private letters, et ce, dans leurs diaries, correspondances, et dans leurs letters, journaux intimes, dans leurs lettres d'amour. And that faith had to et do cette with foi the violent end portait sur... Of the existing order l'aspect things, violent the world as we know it, de l'existence sur Terre, donc la fin du monde telle qu'on peut l'envisager à la fin de leur vie ou à la fin de la vie de leurs enfants. A kind of apocalypse, une sorte d'apocalypse which they described as a qu'ils décrivaient flood, comme étant une inondation ou alors une conflagration universelle. To be followed by a kind of millennium, d'une sorte de donc, conception millénariste. Le communisme, il ne le décrivait pas de manière détaillée. Marx ne le décrivait pas non plus en détail, Lénine non plus. Mais eux, dès le début, lorsqu'ils étaient jeunes, associaient cela au royaume de l'amour éternel ou de l'amitié universelle. Donc, s'agissant du scénario fondamental, c'est-à-dire le récit historique, c'est vrai qu'il y avait donc cette conception millénariste apocalyptique. Ils voyaient le monde avant la Révolution comme étant la Babylone, comme étant un endroit terrible, plein d'iniquité et d'injustice, un monde qu'il fallait détruire, et de reste, c'est ce que l'on chante dans l'international, donc il fallait réduire à néant, et cette destruction doit faire l'objet d'une rédemption universelle. Et donc là, cette force de la rédemption, c'était le prolétariat. Ou alors, incarné par eux-mêmes. Merci beaucoup, Youri Sleskin. Merci à vous. Voilà donc pour cet entretien qui a été accordé à Anaïs Quien lors de son passage à Paris par Youri Sleskin, donc l'auteur de ce grand livre qui vient tout juste de paraître aux éditions La Découverte et qui résume par un seul immeuble, vous l'avez compris, l'histoire de l'Union soviétique depuis le début jusqu'à sa chute. La traduction était donc assurée par Xavier Combes. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Yanis Djoudan nous avait rejoint aujourd'hui à la technique et Thomas Duterre à la réalisation.